et chacun d'eux riant. L'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. Et le sang, sang affreux, de toutes parts coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait. Il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait d'une pelle ébréchée. Et chaque coup faisait écumer ce proscrit qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Et les enfants disaient « Est-il méchant ? Il bave !» Son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et la ronce, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action ! Empirait la misère, ajoutait de l'horreur à la difformité.